Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 26e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل الصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد. ما معنى يغتسل؟ يغتسل تطيب يتطيب الطيب صف تعلم يتعلم أحب يحب بكر يبكر بكر يبكر سبحان الله فعل تكبير لا لسه كبر بكر بكر سبحان الله عيبتو Arrivée de Chourouk. Levé du soleil. Ça non. Ghouroub. Ghouroub, c'est la possibilité. Non. Attends, هذا العكس من الأول. C'est le contraire de celui qu'on vient de dire. Chourouk ou le ghouroub. Le coucher. Ah ouais, le coucher. La manat takriban. Je l'ai pas noté, je crois. Hein? Takriban. Takriban, à peu près. Kay. Pour. Hina. Au moment de. Ayeb. اليوم يا الثاني امل الفراغات بوضع المناسب مما بين القوسين الجمله الاولى تفضل سيقيم الصلاه حين تسمع الاذان نعم ستسافر حين تحجز المقعد نعم مقعدا مقعدا ثالثا ستتقدم في الدراسة حين تقرأ كثيرا نعم تقرأ كثيرا ستتعلم الكتابة حين السلوة جي بتخوي السلوة حين تدخل المدرسة Elle veut dire quoi cette phrase? C'est le moment où j'ai... Quand tu rentreras à l'école. Tu vas apprendre à écrire quand tu rentreras à l'école. Ah ouais, d'accord. Khamisan Satushahidu al-li'ab. Al-la'ib. Al-la'ib. Hina. Là, par élimination d'un tasri, j'ai vu. Là. تأتي تذهب تذهب ستشاهد اللعب حين تذهب للملعب هذا مفرد هذا le joueur mmh. au moment où tu partiras vers le terrain. Où tu iras au terrain. Ça dit ça C'est un défaut. Nati Jata, Rina, Taati, Minal, Mortabar. Non. Taati, là, ça a le sens de partir ou de venir Venir. Au moment où tu viendras. Ou au laboratoire, c'est bon. C'est un silo, Moubakiran, Hina. Là, par contre, j'avais mis Tadhab, mais il n'y a pas de Tu vas arriver tôt quand dans la marche Tous liront. Tous liront. Non. Dépêché Non. ثامنا ستجد الرجاء الراحة حين تنام قليلا نعم تاسعا وعليكم السلام ورحمة الله ستهبط الطائرة في الساعة التاسعة تماما وسيدخل الركاب صلاة السفر في التاسعة في التاسعة والنصف تقريبا. نعم. طيب. التبديل لم الأمر كنا بخيلة. مثلا فلنسليع كي نسي المبكرين. L'origine c'est que ce lem il est une kasra. Là il y a une soukoune à cause du feu qu'il y a devant. Et quand il vient tout seul, sans feu devant, il s'écrit qu'une kasra. Li nusliya, tu vas dire. Il ressemble au lem de ta'lil. Donc voilà la différence dans le courant de la phrase et avec la harakat à la fin du verbe. Donc l'origine c'est que ce lem am, c'est qu'une kasra qui s'écrit. Summa kunna arabia. Makada. Non. Ajma l'oula, andek. Anna. Là. ستتعلم الكتابة لا رابع هنا أنت رابع في الثانية هذا رابع فلنستعد كي نصلي صلاة في موعدها نعم ثانيا فلنستمع كي نستفيد من الدرس نستفيد نعم ثالثا فلنسي المبكرين كي نقرأ شيئا من القرآن رابعا فلنتطيب كي نستعيد في صلاة الجمعة نستعد نعم خامسا نعم خامسا فلنعمل الفصح فحصا كي نعالج المرض نعم بإذن الله سادسا فلنذهب إلى الملعب كي نضرب لاعبين نعم كي النصيحة طيبة كذلك هي في بريسيبيتي على ديال فريفابي ننصح اولا طيب نصيحة يا اكو سي باكسبتي اون باس على ليتاب سوبيريور سي فري هو بيل كونسي دابور ادي النصيحة سي ميو ممكن تكون parmi certains d'entre eux الله يوفق pour le خير parce que tu vois tu les frappes direct ils vont pas comprendre تنصح هكذا Et après celui qui accepte Alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, l'akhbuto. Ayyib. نعم. فندخل المطعم. C'est ton chien, comment tu dis? فندخل المطعم. نعم. فندخل المطعم كي نأكل الطعام. نأكل الطعام. نعم. فنسرع كي نركب الحافلة. فنهجز كي نتمكن طيب سندخل في جزء اقرا بعنوان كيف تقضي يومك لا قضى يقضي على بس الجوجي كي ولا سي باسي كومون تو باس طون جور تا جورني معنى قضى هنا باسي إقرار نعم. كيف تقضي يومك نعم إذا كنت تقضي معنى passé comment tu passes ton jour ta journée قضاء يقضي قضاء الحاكم aussi ouais les jugés aussi قضاء jugé Et aussi expier, ça aussi, vous pouvez dire expier, qui n'a le sens voulu, c'est passé. Quand il y avait le kalimat, al jadida. Rasala, yarsilu. Lavé, à la marlouf. Hawala, yuhawilu. C'est tenter. Essayer. Mais essayer pas dans le sens de tester, essayer dans le sens de tenter. Par exemple, tu ne peux pas dire, ou hawil, c'est yallah pour dire, j'ai essayé une nouvelle voiture. Là, ce n'est pas celui-là qu'il faut, c'est un autre. Là, c'est hawala, c'est tenter. De faire une chose. Istaykava, yastaykidu, se réveiller. Qadha yakdi, on l'a dit en haut, qui veut dire là dans le verbe, dans le texte passé. Mais le plus souvent, c'est quoi c'est... Ça dépend de la phrase. Ça dépend. Nashatun, entre parenthèses, un nashat riyadi, un nashat, ça veut quoi par là une activité. Et nashat et riyadi, c'est activité sportive. Un nashat et riyadi, c'est une activité sportive. Nashat, ça peut aussi vouloir dire forme, la forme, la pêche, quoi, comme certains disent, l'énergie. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est l'activité. Wajib, à la base, wajib, c'est un devoir. Et là, ils disent wajib menzili, devoir de maison. Comme ceux que font les écoles, les écoliers. Ah, d'accord. Wajib menzili, c'est devoir de maison. Asdiqa'u. Maman, asdiqa'u. Asdiqa'u, un ami, des amis. Non, jam sadiq, des amis. Isti'adad, c'est le masdar de ista'adda, ista'iddu. Qui veut dire se préparer. C'est le masdar. Le fait de se préparer. Préparation. Al-Fajr, ma'alouf. Zakara. Yuzakiru, c'est révisé. Zuhran, c'est le, en fait le temps du Zohr. Salat Zohr. C'est pas Raja. Aussi Zakara. Zohran, c'est à l'heure du Zohr. Iqama, le salat, c'est le deuxième azan qu'on fait juste avant la salat. Quand qu'on met le salat, quand qu'on met le salat. Et en fait, la wajib, selon la phrase, il veut dire obligation de manière générale ou obligation de devoir en fait. Non. Quand un devoir et une obligation, c'est pareil, à la base. Ouais. Seulement après, en fonction de ce que tu mets derrière, tu précises quelle obligation tu veux. On utiliserait quoi par exemple essayer un objet ou non c'est essayer de faire une chose essayer de faire une chose جرب شو بيسيء. طيب نقرأ. يقول في كل يوم أستيقظ في الفجر فأصلي صلاة الفجر. Donc chaque jour, je me réveille au fajr et je fais la salat du fajr. Thumma uftir. À la base, aftara, iftar, on m'avait pris pour dire quoi? Le fait de rompre le jeûne. Mais eux, ils veulent dire quoi? Le petit déjeuner. Thumma uftir. On a mis aftara, iftiro. C'est un verbe, ça? Non. Aftar. Wasta'iddu lil-dhahabi ila al-madrasati 'inda shuruq ash-shams. Et je me prépare pour aller à l'école au lever du soleil. Au moment du lever du soleil. Tantahi ad-dirasatu fi as-sa'ati ath-thamina 'ashara, afan, sa'ati thaniyata 'ashara dhuhran. Donc les cours se terminent à 10h, à 12h afan, l'heure du dhuhr quoi. Du midi. فأعود إلى السكن للحافلة مع الطلاب. Donc je retourne au dortoir par le bus avec les étudiants. ثم أصلي صلاة الظهر. Ensuite je fais صلاة الظهر. وأتناول الطعام الغداء. Et après je prends le repas du midi, déjeuner quoi. الغداء c'est le repas du déjeuner. ثم أستريح أو أنام قليلا أو وقتا قليلا. Ensuite je me repose ou je dors un petit peu. En cours, à ton cours, un petit moment, se reposer. Thumma usalli salat al-asr. Ensuite, je fais salat al-asr. Thumma uzakiru durusi. Ensuite, je révise mes cours. Wa fi ba'd al-ayyam arji'u ila al-madrasa fi sa'ati rabi'ati masa'an lin-nashat al-riyadi. Et certains jours, je retourne à l'école à 4 heures de l'après-midi pour l'activité sportive. Hein? C'est la même chose. Non, sauf que la France, eux, ils ont l'école que le matin. En France? Là, ici. En France, c'est toute la journée, te bombarde. Ah ouais, ça ne marche pas. Wa ba'd ghurub ash-shams usalli al-maghrib. Et après le coucher du soleil, je fais salat du maghrib. Thumma udhakiru durusi. Ensuite, je révise mes cours. وَأَعْمَلُ وَجِبَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ. Et je fais mes devoirs de maison. ثُمَّ أُصَلِي صَلَاتِ الْعِشَاءِ ثُمَّ أَنَامِ. Ensuite, je fais صَلَاتِ الْعِشَاءِ, puis je dors. En France, il ne fait pas l'Isha, il n'y a qu'à la télé. Il ne fait pas l'Isha. Parmi les grosses différences, c'est que lui, alhamdoulilah, il fait salat, mashallah. En plus, il va dormir après. Et en plus, mashallah, il fait sunna, il se couche tôt. Ah, mais en France, non. Il prend le repas et après c'est où la télé ou il va traîner en bas de la cité ou je sais pas ce qu'il fait. Amma fi yom el khamis wa huwa yom el awwal min al-utla nihayat al-usbu'. Et quant au jeudi, yom el khamis le jeudi, il est le premier jour du week-end en fait. Hein. C'est comme ça. Parce qu'en pays d'islam, ce qu'on appelle le week-end, les jours de fin de semaine, c'est le jeudi et le vendredi. Donc nihayat al-usbu' là-bas c'est le week-end. C'est un mot anglais, mais en français, ça se dit pareil. Genre, il l'employait pareil, quoi. La fin de semaine. Niyaya, c'est la fin. Non. Niyaya, c'est la fin. C'est la fin de semaine. En anglais, ils disent week-end. فَأَغْسِلُ مَلَابِسِي فِي الصَّبَاحِ وَأَزُورُ أَصْدِقَائِي فِي الْمَسَاءِ. Donc, je lave mes vêtements le matin et je visite mes amis l'après-midi. وفي يوم الجمعة وهو اليوم الثاني من العطلة الأسبوع عطلة الأسبوع. Et le vendredi qui est le deuxième jour de congé de la semaine. أغتسل وألبس الملابس النظيفة استعدادا للصلاة الجمعة. Donc je me lave, je me roufle et je mets mes vêtements propres pour me préparer pour la salade du Jumu'ah. Envie de me préparer pour la salade du Jumu'ah. Non, de préparation. Uhawilu an adhhaba qabl iqamati salat. Et je tente d'arriver avant l'iqama du salat. Avant que la salat se fasse. Là, il avait été. Bisa'atayn, de 2 heures. 2 heures avant l'iqama du salat. On aurait pu mettre وحاول أن أسيل أن أسيل أن أسيل نعم c'est ça que je comprends pas comme des mots il y a des mots peut-être qui seraient mieux non حتى أقرأ شيئا من القرآن afin de pouvoir dire quelque chose du Coran الكريم dans le Coran واستمعوا إلى الخطبتين et pour écouter par la suite c'est-à-dire par la suite les deux khutbah طيب مفهوم النص يقول أولا أجيب عن الأسئلة الآتية من النص donc répond aux questions suivantes tirées du texte متى تنتهي الدراسة؟ كيف تتمين الكور؟ ثانيا كيف ترجع للسكن؟ comment reviens-tu au dortoir؟ ثالثا متى ومع من تركب الحافلة؟ avec qui montes-tu dans le bus؟ et là il dit un tas mais il veut que tu t'apprennes du texte طبعا رابعا متى يبدأ النشاط الرياضي؟ quand débute l'activité sportive. Khamisan, ماذا نفعل في المساء? Que fait-on l'après-midi? Sadisan, متى تغسل ملابسك? Quand laves-tu tes vêtements? Sabian, لماذا تذهب مبكرا إلى المسجد في يوم الجمعة? Pourquoi vas-tu tôt au masjid le jour du vendredi? مفهوم الأسئلة? طيب. Et est-ce que tu as dit Ardin Inch'Allah. Tout là, les associés dans Iqra, ils seront pour demain, parce qu'elles doivent réfléchir. On peut les faire spontanément. Fanyan, Rattib et Kalimat, il atia, il te kawwina, jumalen, mufida. Donc, classe les mots suivants afin de pouvoir former une phrase qui a un sens. Awalen, al-ma'ad, al-zahab, qabl, uftir, il a. Donc avec tous ces mots-là, vous les mettez dans l'ordre pour trouver une phrase. Le jumla mufida. Tous les mots, on les connaît déjà. Donc. Thaniyan, as-saken, sabahan, a'udu, ila, as-sa'at, thaniya, fi, takriban. Thalithan, al-asr, astarih, salat, qabl. Rabi'an, sallayta, hal, al-maghrib. خامسا الواجب بعد الظهر اكتب المنزلي سادسا اصدقائي ازور يوم الجمعه سابعا دروسي في اذاكر المساء هذا سهل طيب ثالثا إن الفراغات بكلمة مناسبة طيب سلو وسلو في عرفهم طيب عندك الجمل الأولى عبد الرحمن استيقظ أحمد من نومه نعم مبكرا فصلى صلاة الفجر ثم تناول الطعام Le verbe qu'on employait, c'est quoi pour le. Donc, Ta'am, elle. Ta'am, le Fatwa. Dien ou Anam, mais ils ont tombé les liftars. Ta'am et liftars. Nam. En fait, c'est Astaïd. Ils n'ont pas mis le Hamza sur le Hamza Tricota. En fait, c'est Astaïdda. Astaïdda. Ou Astaïdda, il est le masjid. Là. Il est le matras. Aïe, voilà, c'est le baki, Yannick. Voici. Enchaîne. Ou Antazira. Ou Antazira. Aussi, ils ont bien mettre le Hamza. أحمد هناك أحمد أنت زر أحمد ما في البيت أحمد هناك حتى الساعات ثانية و وعشر عن توزيع ما تفضل الله إلى تو أفضل إلى ليكول أكلا Trouve une heure avant l'école. Famina. Ça, c'est un avocat là, c'est pas dans le texte. Hein. Je t'inspire le texte. Je t'inspire le texte, je sais que c'est une heure qui est tôt là. Famina, Sabahan, Wafis Sahati, Al-Khan Safi, Wanes, Wanifsi, Wanifs Tekriben. Je sais pas ce qu'ils veulent là. Là, faut mettre le nom. Quoi. Le nom de celui qui fait l'action. Et à 5 heures. Il y a 5 heures et demie. C'est qui là, le. Faut que tu mettes un nom là. De celui qui fait tout ça depuis le début. En fait, non, ouais, en fait, non, je me trompe, il n'y avait pas de Hamza Ahmed. C'est Roua en fait, tout, c'est pas Anna. Et c'est Ahmed qui fait l'action. Donc c'est normal, ils ont commis le Hamza. Istaykaz Ahmedu, kada, min al-minoumi mbakirun, fassalat salat al-fajr, sumatana, wala ta'am, al-iftar, wasta'adda. Moi je dis qu'il n'y a pas de Hamza en fait. C'est Roua, c'est pas Anna. Il a appelé le madrasa, wantazara Ahmedu, hunaka, hatta sa'a, famina. Donc c'est Ahmedu, c'est pas Ahmeda. Il reste le fa'il. Sabahan, wafi sa'ati, khamisati, wanis. Wanis. Là, je bouge. Là, il y a un nom à mettre, je pense. Wanis. Parce que là, Ahmed, il a une fatha. Donc, c'est quelqu'un qui dit Ahmed. Oui, t'es le Dhamma, toi ? Oui, moi aussi. Il y a une fatha en dessous. Ah mais ils ont mis la Dhamma. Ils ont ajouté, en fait ça a été rectifié. Et ça veut rien dire. Zara Ahmadou, comment on va dire Zara Ahmadou, il n'y a pas de laxité. C'est pour ça qu'il faudrait mettre quelqu'un là. C'est quelqu'un qui veut dire Ahmed. Il faudrait mettre Ahmed en mafoule bille. Donc là, je mets un nom n'importe. Mais un nom, on n'importe. C'est bien. Mohamed Zara Ahmada. Ouais, mais Mohamed, Mohamed Zara Ahmada. Là, je crois qu'il y a un truc, qu'il y a un manque là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu mettre. Mais Mohamed Zara Ahmada. Thumma. Zara Ahmada. Thumma tawajjaha ila al-mustashfa. Là, regarde ce qu'il dit après. Comment le mustashfa? Tu veux moustache à pencher des fruits? Non. Comment dit épicerie déjà quand Bicole. Là, c'est famina, je pense que c'est de la nuit, là. Alors, il y a un nom, Massa'an, famina, Massa'an. C'est très logique, quoi. Taïb Rabi'an, Adjib, Al-Asiyat Al-Atiya. Ena Yaqif, Al-Imam, Fil-Khutbat Al-Jumu'ah. Donc, où se tient debout l'imam pendant la khutbah du jumu'ah. Thanian, هل يمكن أن نصلي صلاة الجمعة في المنزل؟ Est-il possible de faire صلاة الجمعة à la maison؟ نعم. Et pour dire il m'est possible, il me nie. نعم. ثالثا لماذا نلبس الملابس النظيفة ونتطيب لصلاة الجمعة؟ Pourquoi nous revêtons des vêtements propres et nous parfumons pour la salat du Jumu'ah? رابعا ما الموضوع الذي تحدث عنه الإمام في الخطبة يوم الجمعة الماضي؟ Donc quel sujet a traité? De quel sujet a parlé l'imam dans la khutba du vendredi dernier? Sujet. خامسا من أين تشتري الطيب؟ D'où achètes-tu le parfum? سادسا وصلت إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة ماذا تفعل؟ Tu es arrivé au masjid après que la salat du Jumu'ah soit terminée. Qu'est-ce que tu fais? Sur le fikri. Tu fais quoi? Salat du Jumu'ah. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ça à faire, frère. Comment il n'y a que ça à faire? Non, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas que ça à faire, frère. Il n'y a pas que ça à faire. طيب. خامسا, tu vas faire un bahth, tu vas faire une recherche, un mas'ala. Savoir si je rate le jumu'ah, qu'est-ce que je dois faire? Fil bayt. Ah, fil bayt. Tout cela, c'est fil bayt, ce qu'il faut réfléchir. طيب. خامسا, استخدم كلمات آتية في جمل مفيدة. طيب وفاء صمت شو لا إقامة الصلاة une phrase dans إقامة الصلاة en respectant les harakats أنت toi prépare toi la deuxième المؤذن ينادي لإقامة الصلاة لا je t'ai bien dit attention respecte les harakats إقامة الصلاة أيوة إقامة الصلاة إلهي دمه شو قال دمه إقامة الصلاة ستكون بعد الأذان طيب يحاول داود يحاول أن يفعل الجملة المفيدة طيب وداود قد فعل جملة مفيدة الحمد لله قد كلا فات ثالثا شمس هذا شمس فات حركة تو استعيد استعداد فكر أنت يصلي بعد غروب الشمس طيب استعداد الإفطار طويل لا استعداد سي بريباري سي سي بريباري فرمون استعداد سي سي بريباري سي سي بريباري دونك استعداد Il se prépare. C'est un mazdar. C'est un mazdar, c'est-à-dire le fait de se préparer. Mais c'est comment le mazdar est-il à c'est un mazdar, là, comme on entend. Si tu ne trouves pas, prépare-toi. C'est un mazdar. C'est un mazdar. C'est un mazdar. C'est un mazdar. C'est un mazdar. لا الاستعداد ليوم الجمعة مهم أحسنت خلاص ركزتوا شو مثلا نريد من ركزتوا طيب سنواصل في الثاني وعشرين في الأول في الثامن وعشرين façon, ça c'est les deux dernières parties qui restent du kitab, parce que j'ai regardé la Shafawi là, à la fin là, les images déjà sont pas claires, il y a des trucs qui sont basés sur les images, ça nous pousse à regarder les images, et ça on n'a pas envie. C'est-à-dire, donc en fait c'est deux derniers cours sur les deux derniers. C'est les deux derniers cours là. Ces deux derniers sujets là, dans le Wahda Tasia, sont les deux derniers cours pour le kitab. Et les images, c'est pourquoi ça? C'est pour la fin, en fait, tu veux que tu passes les images et que tu fasses une histoire et tout, kaza, kaza, kaza. Donc les images sont pas claires, en plus, tu te pousses à regarder les images. Et. Alors, c'est pour ça que tu as un coup de bire, tu as quoi? Donc à la base, on ne va pas s'entraider à regarder ces images. Oui. Dame. Kefa Tabdi El Ijaza. Ça c'est le titre de la Wahda. Comment tu passes? Ijaza c'est congé, vacances. C'est le même sens que Rokla. Là, un peu. Peut-être que je parle d'Ijaza pour le Coran par exemple. C'est une permission pour enseigner. Ah. Mais là, sans doute pas Ijaza là. C'est le temps libre que tu as. Ijaza non. طيب رمضان والعمرة في الأخرى بارتي رمضان معروف شهر رمضان الذي وجب فيه الصيام على العباد والعمرة طيب بارتيز الصوم السوجي سنفر en fait, c'est le fait de faire la الصيام et العمرة pendant رمضان العمرة n'a pas de temps défini comme العمرة tu la fais quand tu veux. كلمات جديدة حزم يحزم ça c'est comme akfala c'est bouclé on va dire cadenassé non ça ressemble à ça là dans le texte ça va plutôt être bouclé siyam c'est l'un des masdars de sama yasoum tu peux dire soum tu peux dire siyam dire jeûne. رمضان معروف حدث يحدث لا ça c'est raconter ou dire quelque chose à quelqu'un. C'est produire, c'est quoi, hadatha? Non, sans shadda, c'est raconter, dire à quelqu'un. Sabaqa c'est devancer, précéder. صوم يصوم معروف جنه الحرام لا يبل كوا المزيل الحرام مسكي ساكن مكة السحور سي كوا السحور سي لا كوبيور دو جن اه بون نو اه ايسي جو ايسي جو السحور فو كوبيتو جن. Sahur, c'est contraire, c'est avant le jeûne. C'est le repas que tu prends le matin. Le repas, ouais, c'est. Sahur. Sahur, on l'a dit, c'est le temps. Et sahur, c'est le repas. Le fait de prendre le repas. As-subh, ma'louf, c'est l'aube. Comme le fajr. Al-maghrib, c'est coucher le soleil. El Aisha, c'est celle du soir, c'est la du soir. El Aisha, c'est quoi? C'est le nom de la salat ou c'est un temps dans la journée? C'est le nom de la salat et c'est aussi un temps. Toutes les salats, leur nom, c'est un temps. El Tarawih, c'est la salat qu'on fait, la salat Nafila, qu'on fait pendant les nuits de Ramadan. Nahar, journée. C'est la journée. Fikra, c'est une idée. Fikra, c'est une idée. Ijaza, ma'ana otla. Et souvent, Ijaza, on met pour des congés. Comme ça. Et otla, c'est des vacances. Bien qu'à la base, c'est presque pareil. Al-Umra, ma'louf. Intazara, yantaziru. Ma ma'ana, intazara, yantaziru. Islam. Mithl. Comme. Un exemple de. Fatatun. C'est une jeune fille. Le mouanaf de Fata. Ummun. Mère, une mère. Rasa'il, Jam, Risala. Jam, Risala. Shahr, c'est moi. Moi, 30 jours. Waladun, c'est un enfant. Et ensuite, dans le ta'birat, c'est le doua, Waffaq Allah. Voyez, que Allah t'accorde le succès ou la réussite en fait. On ne peut pas vraiment traduire, mais ce qui est de plus propre ou de plus proche, c'est ça, quoi. Ton fait, c'est qu'Allah t'accorde l'occasion de faire la chose qui t'apporte du bien. Taïb al-Hiwar, ma'ana Mohamed, Ahmed ou Ismaïl. Anta Ahmed ou Anta Ismaïl. أراك تحزم حقائبك حقائبك يا إسماعيل. Donc il dit je te vois boucler tes valises au Ismaïl. نعم إني أستعد للسفر. Il dit oui je me prépare certes pour le voyage. هل تسافر إلى أهلك؟ Est-ce que tu voyages vers ta famille pour te rendre à ta famille؟ لا لا أسافر هذه المرة. أسافر. نعم. لن أسافر هذه المرة إلى أهلي. Donc le savoir venir لن c'est pour faire une négation future. Et ça fait نص donc le verbe qui en a rien à monsoul. Il dit non, je ne voyagerai pas cette fois-ci vers ma famille. إذن أين ستقضي إجازة. Il dit alors où vas-tu donc passer tes congés ou ton congé. سأذهب إلى مكة لأدائي. En fait, c'est lié. Lié. Oui, on fait une erreur. C'est lié أدائي. لأداء عمرتي وصيام شهر رمضان هناك. Donc il dit je vais aller à Mecca pour accomplir une Umra et faire le jeûne du mois de Ramadan là-bas. هذه فكرة طيبة وفقك الله. لقد سبق أن صمت شهر رمضان هناك. Donc il dit c'est une très bonne idée car elle t'accorde la réussite. Et il m'est déjà arrivé en fait, de jeûner le mois de Ramadan là-bas. C'est comme ça qu'on dirait la Kosh Sabaka. Donc il dit alors raconte-moi les jours que tu as passé à Mecca. Naam, isma, kuntu tatawajjahu min al-haram ba'da al-tanawul as-suhur li salati as-subh. Donc il dit oui, écoute, je me dirigeais vers le masjid al-haram après avoir pris le sahur, le repas du sahur, pour la salat du subh, Fajr. Et comment passais-tu ta journée? Le nahar yomika, c'est la journée de ton jour, mais ça ne se dit pas, donc on dit directement ta journée. Donc il dit, je faisais la salat du Dhuhr et du Asr au Masjid al-Haram, et après le coucher du soleil, on prenait l'iftar avec un groupe. Ensuite, on faisait salat du Maghrib. Avec le groupe. Non, avec le groupe. En groupe, quoi. Non. Ismaïl. Et comment passais-tu ta nuit? Donc je revenais, il dit Aoudou, mais en fait, là, je vais le mettre au passé, je revenais au Masjid al-Haram pour la salat du Isha et pour le Tarawih. Et ça là, comme ça, si on parle comme ça, les gens ils comprennent ou pas? Non, ça c'est pas, ça c'est basique. Ça. C'est des formules basiques. C'est clair. Donc juste un truc, je vais voir, il y a le mot Accra. Je crois que c'est un lieu. Je vais le vérifier. Ouais, ça, c'est un lieu. Taïb. يستمي وردد سيصوم الزائر في أكرا. Donc les visiteurs vont jeûner à Accra. Je sais pas c'est quoi Accra. On dirait que c'est un lieu. On dirait le nom d'un lieu. Et là en fait je vais vous faire quoi? Vous faire vous montrer comment utiliser l'an qui est un harf al-nasb. On a fait au stickbell, qui est une particule de du nas qui apporte une négation dans le futur. Donc il dit quoi? Len asoma, len yasoma zairu fi akra, que le visiteur ne gênera pas à Akra. Faniyan, sayukfilu al-amilu al-bawaba, l'employé ou le travailleur va fermer les portes ou les portails. لن يكفل العامل البوابة que le عامل ne va pas cadenasser plutôt les portails. ثالثا سيغادر القطار le train va partir. لن يغادر القطار le train ne va pas partir. رابعا سيؤكد المسافران الحجز que les deux voyageurs vont confirmer la réservation. لن يؤكد المسافران الحجز les deux voyageurs ne vont pas réserver, confirmer la réservation. Khamisan, sayahmilu al-bintu ou satahmilu al-bintu al-haqiba. La fille va porter la valise. Lan tahmil al-bintu al-haqiba. La fille ne va pas porter la valise. Sadisan, satattajihu al-fattata ou al-fattatani ila al-salat. Que les deux jeunes filles vont se diriger vers le salon. Ouais, déjà le salon. Len tattajiha al-fattatani ila salat. Que les deux jeunes filles ne vont pas se diriger vers le salon. Sabian, sayantaziru al-rukabu al-safina. Les passagers vont attendre le bateau. Len intazira al-rukab al-safina. Les passagers ne vont pas attendre le bateau. Thaminan, sayusalli al-sa'imuna al-tarawih fi al-haram. Que les jeûneurs vont faire salat de tarawih dans le haram. Que les jeûneurs ne vont pas faire le tarawih dans le haram. Tasihan, c'est yuhajizu al-amilatu, ça tuhajizu afan al-amilatu al-sahur. Que les employés, on va dire, travailleuses, les employés, vont préparer le sahur, le repas du matin, avant le jeûne. C'est quoi tujahiz? لن تجهز العاملات السحور que les employés les femmes ne vont pas préparer le sahur. عشرا سيكلف السفر للعمرة نقودا كثيرة le voyage pour la umra va coûter beaucoup d'argent. نقود là c'est de l'argent. لن يكلف السفر للعمرة نقودا كثيرة que le voyage pour la umra ne coûtera pas beaucoup d'argent. 11 ستطبخ الأمهات الطعام. Les mères vont cuisiner le manger. لن تطبخ الأمهات الطعام. Que les mères ne vont pas cuisiner le manger. تطبخ يطبخ c'est cuisiner. طيب لن ça va maintenant non c'est quoi le تطبيق appliquer ce qu'on vient de prendre. ثانيا أجيب كما في النموذج. النموذج هل سيسافر سليم إلى بلدي؟ أسكو سليم ووجه son pays. لا لن يسافر سليم إلى بلدي. الجملة الأولى هل سيعلن الموظف الخبر؟ أسكو الموظف va annoncer l'information. عندك؟ لا لن يعلن الموظف الخبر. ثانيا هل سيفحص الطبيب المريض؟ Est-ce que le médecin va consulter ou va ausculter le malade? Non. Thalithan, هل ستصل الرسائل بالبريد؟ Est-ce que les courriers vont est-ce que les lettres plutôt vont arriver par la poste? La لن تصل الرسائل بالبريد. خامسا هل سيقابل الموظفان القطار؟ Est-ce que les deux employés vont rencontrer le train؟ أيوة. هل ستكتب فاطمة البرقية؟ Est-ce que Fatima va écrire le télégramme؟ لا لن تكتب فاطمة البرقية. نعم. والخامسة؟ لن يقابل الموظفان القطار. نعم. سادسا هل ستعمل الممرضات في المستشفى؟ Est-ce que les infirmières vont travailler dans l'hôpital? Est-ce que Khalid va voyager par avion? Faminan, est-ce que les architectes ou ingénieurs vont dessiner la carte? لن يرسم المهندسون الخريطة. طيب سنكفون إن شاء الله والباقي نكمل غدا مع الإقراء طيب نكمل الدرس غدا إن شاء الله avec la partie إقراء ensuite terminer avec le Ders, 30e leçon, et après ça, Inch'Allah, on aura fini le livre. Il faut de l'Illah. Il y aura des choses qui ne nous auront pas trop plu dans le livre. Ça, je pense que tu le referas plus. Le 2, il passe mieux, le 2. Ah, c'est la même organe, il n'y a rien. Pas ça. Puis Soel Voilà. Fais la honneur ou le film de l'Ivan avec